Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 161. Des diverses espèces de modestie, et, d'abord, de l'humilité. L'humilité est une vertu, sa nature. À quoi elle oblige? Sa liaison avec la tempérance et les autres vertus, ses degrés. 1. L'humilité est-elle une vertu? L'Écriture, dans ses paroles, il a regardé l'humilité de sa servante, loue l'humilité comme une vertu. Le Seigneur nous a pareillement dit, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Dans les choses à la fois difficiles et désirables pour leur bonté, nous sommes soumis à une double force, l'une d'attraction, suite de leur bonté même, l'autre de répulsion, à raison de leurs difficultés, de là, l'espérance et le désespoir. Pour régler ces deux mouvements d'attraction et de répulsion, il faut deux vertus distinctes, l'une, pour affermir notre esprit contre les difficultés, en le préservant du désespoir, l'exciter, dans une juste mesure. À la poursuite des grandes choses, c'est ce que fait la magnanimité. L'autre, pour réprimer notre tendance à nous élever d'une manière déréglée dans le mouvement d'attraction vers le bien, et c'est ce que fait l'humilité. Note. Humble, humilis, humiaclinis, signifie pencher vers la terre. Un tel abaissement peut provenir d'un autre homme, et, dans ce cas, l'humilité, c'est-à-dire l'humiliation, est une peine. Quand il provient d'un principe intérieur, tantôt il est bon, tantôt il est coupable. Par la connaissance que l'on a de ses propres défauts, s'en tient-on à des œuvres infimes proportionnées à sa force et à son état, cet abaissement est louable. C'est ainsi qu'Abraham disait à Dieu, « Quoique je sois cendre et poussière, je parlerai à mon Seigneur. » Dans ces conditions, l'humilité est une vertu, méconnaître sa dignité d'homme, se comparer aux animaux et se faire semblable à eux, voilà un abaissement coupable. Simuler au dehors une humilité que l'on n'a pas, c'est souvent un grand orgueil, par lequel on tend à l'excellence de la gloire. La vraie humilité consiste à se soumettre à Dieu, et aux hommes à cause de Dieu. Fin de la note. 2. L'humilité consiste-t-elle dans la volonté ou dans le jugement? Le propre de l'humilité, c'est d'empêcher de s'élever plus qu'il ne convient. Il est nécessaire que la connaissance intervienne pour nous dire en quoi nous sommes inférieurs et ce qui dépasse nos forces. Mais la vertu même de l'humilité, à laquelle la connaissance sert de règle pour diriger la puissance appétitive, consiste essentiellement, non dans le jugement de la raison, mais dans la volonté, dont elle réprime les appétits. Note. Tendre à ce qui est grand par confiance en ses propres forces est contraire à l'humilité, y tendre par confiance en Dieu, ce n'est point un acte d'orgueil. Plus on reconnaît sa faiblesse, plus on est grande devant le Très-Haut. Dieu élève celui qui s'abaisse en sa présence, et renverse quiconque s'élève contre lui. Fin de la note. 3. L'homme doit-il par humilité se soumettre à tout le monde? Saint Paul écrivait aux Philippiens 2:3 que « Chacun de vous regarde en toute humilité les autres comme ses supérieurs. Il y a en nous deux choses, ce qui est de Dieu, et ce qui vient de nous. Ce qui vient de nous, ce sont nos défauts, ce qui est de Dieu, c'est tout ce qui tient au salut et à la perfection. De là cette parole, ta perdition vient de toi, Israël, ton secours vient de moi seul. » Osée 13, 9. L'humilité prescrit avant tout le respect et la soumission envers Dieu. Il demande que l'homme soumette ce qui vient de lui-même à ce qui est de Dieu dans le prochain, elle n'exige pas qu'il soumette ce qui est certainement de Dieu en lui à ce qui paraît être de Dieu dans un autre. Or ceux qui ont les dons de Dieu savent très bien qu'ils les possèdent, selon cette parole de saint Paul, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné. 1 Corinthiens 2, 12. Ils peuvent, sans blesser l'humilité, préférer ses dons à ceux qui semblent avoir été faits aux autres hommes. Ce n'était pas sur un autre fondement que saint Paul disait. Les mystères du Christ n'ont pas été manifestés aux générations précédentes comme ils l'ont été, de nos jours, aux apôtres, Éphésiens 3:5. L'humilité n'exige pas non plus que nous soumettions ce qui nous appartient à ce qui est de l'homme dans le prochain, autrement il faudrait se croire plus pécheur que tout autre. Saint Paul n'a pas manqué d'humilité en disant « Nous sommes juifs par naissance, et non pécheurs comme les gentils. » Galates 2, 15. Toutefois, nous pouvons croire que le prochain a des dons cachés que nous n'avons pas, ou que nous avons des défauts qu'il n'a pas, et, pour cette raison, nous devons nous soumettre à lui par l'humilité. Note. Nous devons révérer Dieu, non seulement en lui-même, mais dans les dons qu'il accorde aux hommes. C'est dans ces principes que nous nous soumettons au prochain, selon cette parole, « Soyez soumis à toute créature humaine, à cause de Dieu. » 1 Pierre 2, 13. Il n'y a point de fausseté à préférer les dons de Dieu à ce qui nous est propre. Nous croyons avec vérité qu'il peut exister dans nos semblables quelques dons cachés qui les rend supérieurs à nous. Alors même que ce qui nous fait paraître au-dessus d'eux se montre avec évidence. Il n'y a pas à craindre, dans les actes extérieurs de l'humilité, de donner au prochain occasion d'orgueil ou de mépris, on doit y garder une juste modération, s'il s'en scandalise, c'est un scandale pris et non donné. Fin de la note. 4. L'humilité fait-elle partie de la modestie et de la tempérance? Si l'on reconnaît les parties d'une vertu à une certaine similitude dans le mode d'action, l'humilité, qui réprime la présomption par laquelle nous tendons à de trop grandes choses, fait partie de la tempérance. Comme la modestie elle-même dans laquelle elle est comprise, elle marque une modération de l'âme. 5. L'humilité est-elle la plus grande des vertus? La plus grande des vertus, c'est la charité. Sur toute chose, dit saint Paul, ayez la charité. Colossiens 3:14. Après la charité et les autres vertus théologales, dont l'objet est la fin dernière, viennent les vertus intellectuelles, qui tiennent à la raison même, puis la justice, et surtout la justice légale, dont le propre est de mettre en pratique tous les ordres de la raison. Immédiatement après la justice légale, et avant toutes les autres vertus, se présente l'humilité, qui donne à l'homme une soumission universelle à l'égard de tout ce que la raison a réglé. Note. L'humilité est, comme disposition à la grâce, le fondement de toutes les vertus. Saint Augustin a eu raison de dire, « Si vous voulez élever un édifice d'une grande hauteur, établissez-le sur le fondement de l'humilité. Elle bannit l'orgueil, rend l'homme docile et le prépare à la réception de la grâce. N'est-il pas écrit que Dieu, qui résiste aux superbes, donne sa grâce aux humbles ? Jacques 4, 6. Notre Seigneur l'a particulièrement recommandé en disant, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il nous a appris, par ses exemples, à mépriser les grandeurs de la terre, et il a promis aux humbles l'élévation dans la gloire éternelle. Fin de la note. 6. Saint Benoît a-t-il convenablement divisé l'humilité? Saint Benoît, dans sa règle, a divisé avec raison l'humilité en 12 degrés, à commencer par l'extérieur. Premier, tenir les yeux habituellement baissés. Deuxième, ne pas se laisser aller facilement au rire. Troisième, parler peu et d'un ton grave. Quatrième, attendre le temps de parler. Cinquième, suivre dans ses actions la voie commune. Sixième, penser et avouer que l'on est moins digne que les autres. Septième, se croire inutile et indigne de tout emploi. Huitième, reconnaître et avouer ses défauts. Neuvième, supporter par obéissance et avec patience les duretés. Dixième, régler sa volonté sur celle de son supérieur. Onzième, ne pas chercher à faire sa volonté propre. Douzième, craindre Dieu et se souvenir de ses commandements. Note. La considération de nos propres défauts et la pensée que le prochain peut avoir des dons cachés nous permettent de croire et de dire sans mensonge que nous sommes inférieurs à ceux que nous paraissons surpassés. Nous pouvons également nous croire et nous avouer indignes et incapables de tout emploi par nos propres forces, tout ce que nous avons vient de Dieu. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.